La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que le réel ? Certains mots comme temps, espace, vide, matière, ou encore réel ou réalité, appartiennent à la fois au discours des philosophes et des physiciens. Si la physique et la philosophie sont bien deux disciplines qu'il importe de distinguer, il est nécessaire pourtant de les faire discuter sur les concepts qu'elles partagent. Prenons le réel, par exemple. Quand ils en parlent, les physiciens et les philosophes veulent-ils parler de la même chose ? Si la réponse à cette question est non, pourquoi utilisent-ils le même mot ? Si la réponse est oui, c'est-à-dire s'ils parlent bien de la même chose, est-ce qu'ils en disent la même chose ? Sans doute que non. Heidegger et Einstein tiennent sur le réel des propos qui ne se ressemblent guère. Mais s'ils n'en disent pas la même chose, alors à qui accorder du crédit ? Aux physiciens ou aux philosophes ? On voit par là qu'il y a une certaine urgence à entrer en lutte avec la langue et à ce que chacun précise de quoi il parle lorsqu'il emploie tel ou tel mot. Je vous propose que durant notre conversation scientifique d'aujourd'hui, nous entamions ce travail à propos du mot réel en nous posant cette question : qu'est-ce donc que le réel ? Et pour la discuter, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Ferry. Bonjour. Bonjour, Étienne. Vous êtes philosophe titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe de l'Université de Nantes et vous êtes l'un des analystes les plus originaux de l'Europe et de la singularité de sa construction. Je vous avais d'ailleurs déjà reçu pour évoquer ce sujet. Et ma première question, justement, va porter sur le lien que vous voyez ou que vous ne voyez pas entre l'Europe et l'idée de réel. Est-ce qu'il y a une connexion ou particulière ou est-ce que pour vous, ce sont deux questions complètement indépendantes? On peut essayer de faire des connexions, mais voilà, j'ai deux volets, en quelque sorte, dans mes intérêts philosophiques. Il y a la philosophie politique, en particulier celle de l'Europe, c'est une chose. Et puis, de l'autre côté, des interrogations beaucoup plus, je mets quelques guillemets, métaphysiques. Alors, pour établir un lien entre les deux, oui, c'est possible. D'ailleurs, dans ce livre à propos duquel vous avez eu la gentillesse de m'inviter, une deuxième partie est quand même consacrée à un lien entre cette question vraiment ontologique ou métaphysique, qu'est-ce que le réel, et puis la philosophie ou la théorie politique. Pourquoi ça peut paraître étrange? Eh bien, c'est parce qu'à mon avis, une réponse possible, compte tenu de la situation très déstabilisée dans laquelle nous nous trouvons sur cette question du réel, nous pourrons évidemment en reparler, eh bien, il me semble que une voie, c'est un changement de rapport, un changement d'attitude profond et de rapport au monde qui engage toute l'existence, en particulier même l'organisation de nos sociétés. Alors, je vais continuer mon interrogation par une question assez basique. Est-ce que vous faites, en tant que philosophe, une différence entre le réel masculin et la réalité au féminin? J'ai pas travaillé cette différence, mais intuitivement, je la fais quand même. Elle résiderait en quoi ? Je vais vous proposer une analogie. C'est au fond, la réalité est au réel, ce que, dans le jargon philosophique, la choséité est à la chose. C'est-à-dire ce qui fait que l'on puisse parler du réel. Les caractéristiques qui font que l'on puisse conclure. Le réel ne serait pas très loin de l'être, alors que la réalité serait plus proche de l'étang, pour reprendre un vocabulaire heideggerien. On peut dire cela comme ça, mais le réel, c'est quand même plutôt l'index, en quelque sorte, c'est le référent à partir duquel on peut commencer à discuter sur ses caractéristiques. Alors, je dois vous dire, Jean-Marc Ferry, que lorsque j'ai commencé la lecture de votre livre, donc qui vient de paraître aux éditions Le Bord de l'eau et qui s'intitule « Qu'est-ce que le réel ?», j'ai été surpris en lisant les premières pages du livre, puisque vous y évoquez ce que vous appelez des merveilles, et vous évoquez ce qu'en d'autres terrains on appelle le paranormal ou le surnaturel. Vous parlez d'intelligence extraterrestre, de réincarnation, de nouvelles croyances en des civilisations antédiluviennes avancées, etc. Chose dont on dit assez souvent qu'il s'agit de carabistouille, si vous me passez l'expression. Alors, en quoi est-ce que ces nouvelles croyances modifient philosophiquement la question du réel ? Cette question se repose sous l'effet de deux courants qui sont en apparence extrêmement différents, avec des origines fort différentes, mais qui convergent, me semble-t-il, aujourd'hui. Il y a d'une part un courant qui vient d'assez loin, qui trouve son origine un siècle auparavant, au début du XXe siècle, qui est celui de la physique contemporaine, sur ses deux versants, n'est-ce pas ? Et qui, aujourd'hui, est développé dans le sens de, dirais-je, d'embarder, voire de prolongement, qui touche aux interrogations les plus fondamentales sur ce dont vous parliez d'ailleurs, que l'on peut dire métaphysique, c'est-à-dire sur qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que le vide, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que... Et c'est aussi, sans doute, par le truchement de la cosmologie, on accède en quelque sorte à ces questions. La cosmologie présente, je parle sous votre contrôle, entre autres intérêts, celui de finalement réunir dans une même problématique les deux branches de la physique théorique, n'est-ce pas ? Même si une synthèse n'a toujours pas été trouvée entre la physique de la gravité et la physique des particules. Mais c'est là quand même qu'on tente quelque chose comme une compréhension. Une unification des formalismes. Une unification, au moins, dans ce discours. Alors ça, c'est un courant qui aujourd'hui... suscite une très très vive curiosité de la part de la société. C'est la question de l'univers, où sommes-nous, quelle place avons-nous dans cet univers, ce sont les questions de l'origine qui se reposent. Et puis évidemment, il y a quelques lustres, si ma mémoire est bonne, 5 lustres à peu près, c'était en 1995, c'est la découverte d'exoplanètes telluriques qui gravitent autour d'un astre solaire. Cette découverte a reçu le prix Nobel de physique cette année. Et puis voilà, et puis je me souviens d'avoir vu plusieurs fois d'ailleurs des documentaires scientifiques avant cette époque et même parfois un peu après, où l'on nous expliquait de façon pathétique que nous sommes la petite planète bleue, la seule planète dans l'univers qui recèle la vie, etc. C'était une idée tout à fait reçue et tout à fait admise. Et bon, là, il y a une déstabilisation très forte. Et puis, donc, ce dont vous parliez, ça, c'est un courant, celui de la physique, qui nous pose sous ces deux versants, donc qui nous pose vraiment, qui nous repose la question du réel, parce que elle attaque, si je puis dire, ou elle frontalement ce que dans l'espace de la philosophie, et je pense notamment à la philosophie de Kant et à sa critique de la raison pure, on tenait pour les conditions même de la réalité possible en général, avec l'espace, le temps et ce que l'on appelle les principes de l'entendement, qui sont extrêmement simples et qui sont de sens commun, qu'il s'agisse des axiomes de l'intuition, des anticipations de la perception, ou des analogies de l'expérience, ou des postulats de la pensée, ce sont les termes kantiens, n'est-ce pas ? Il s'agit d'évidence de sens commun, d'évidence tellement forte que l'on considère que aller à l'encontre de ces évidences, c'est du domaine de l'impossible. Et du coup, ce qui est impensable dans l'horizon classique de la philosophie est en même temps impossible. Or, le scandale, si je puis dire, la provocation en tout cas qui nous vient des développements de la physique contemporaine, c'est que l'impensable devient possible. Parce que la physique propose, n'est-ce pas, des conclusions ou en tout cas des hypothèses qui sont parfaitement contre-intuitives. Mais est-ce que c'est vraiment le propre, Jean-Marc Ferry, de la physique contemporaine ? Est-ce que c'est pas le propre de la physique dite moderne, celle qui commence avec Galilée ? Alexandre Coiré, grand philosophe des sciences, disait « Le pari de la physique galiléenne, c'est qu'on peut expliquer le réel, il parlait du réel empirique, par l'impossible. Par l'impossible, c'est-à-dire par des lois dont l'énoncé, lorsqu'on l'entend pour la première fois, nous surprend, parce que cet énoncé semble contredire ce que nous observons. Par exemple, quand nous lançons des pierres de masses différentes, nous les voyons tomber à des vitesses différentes. Et Galilée nous explique que pourtant, elles tombent exactement à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Est-ce que c'est ça que vous donnez au mot impossible ? Non, parce que, voyez-vous, je pense notamment à un petit livre excellent d'ailleurs de Carlo Rovelli qui nous dit que là, au fond, nous sommes dans la face à la physique d'Einstein, un peu dans la situation où des gens du Moyen-Âge que ce n'est pas le que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, qui tourne sur elle-même, n'est-ce pas? Je pense que cette comparaison est un petit peu trompeuse, parce que même si, en effet, dans son génie, Galilée a pu découvrir, est contre-intuitif parce que cela heurte l'observation ordinaire. L'idée que le temps, par exemple, tout se passe comme si le temps se dilaterait, l'espace se contracterait, etc., ou qu'il y a une solidarité entre l'espace et le temps, que l'espace et le temps ne sont pas des cadres à l'intérieur desquels se déroulent ou se développent en quelque sorte les phénomènes. À la différence de Galilée, si on explique Galilée en montrant que donc le système solaire, comment la Terre tourne autour du Soleil, etc., tout cela est parfaitement compréhensible, tandis que je soutiendrais volontiers que dans la physique contemporaine, qu'il s'agisse de la physique einsteinienne ou de celle de Max Planck, Niels Bohr, eh bien, on aura beau expliquer, cela heurte les intuitions les plus fondamentales, et donc c'est radicalement contre-intuitif. Des intuitions pures qui sont contredites, alors que dans le cas de Galilée, ce sont seulement des intuitions empiriques qui sont contredites. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus fondamental, et là, ça touche notre pré-compréhension ontologique. Alors, si je vous comprends bien, vous diriez un peu comme Husserl, que vous connaissez bien et que vous citez souvent, que le fait qu'on utilise en physique des mathématiques qui peuvent être sophistiquées, c'est à la fois découvrant et recouvrant. C'est-à-dire que ça permet de dévoiler des aspects de la réalité que nous ne pourrions pas connaître sans ces mathématiques. Et en même temps, elles sont si peu familières qu'elles nous masquent la réalité qu'elles permettent de découvrir. Oui, mais il y a d'autres éléments de déstabilisation, voyez-vous. Je pense déjà, pour rester dans le domaine de la physique théorique, je pense à cette phrase très connue de Niels Bohr quand il dit « Toutes les choses que nous appelons réelles sont faites de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles ». Donc là, c'est vraiment une déstabilisation de la question du réel. Alors ça, c'est le courant dont je vous parlais, qui nous vient du début du siècle passé. Mais il y a, je peux pas laisser sans réponse l'objection, la question que vous m'aviez posée à propos de l'autre courant, qui est celui de la montée en puissance de ces merveilles en question, c'est-à-dire des croyances nouvelles ou plus ou moins nouvelles, n'est-ce pas, qui portent sur des phénomènes prétendus, en tout cas, qui font l'objet de témoignages et qui sont des témoignages qui sont à la fois qui sont incroyables, mais dont certains sont, c'est la thèse que je soutiendrai à mes risques et périls, irrécusables. Donc c'est là que nous sommes devant un paradoxe qui est un petit peu homologue à celui devant lequel nous mettent les sciences. Que fait-on de témoignages à la fois incroyables et irrécusables? De même, que fait-on en quelque sorte de phénomènes qui sont impensables tout en étant affirmés comme possibles? Alors vous dites que sous la pression de nouvelles croyances, notre sens du réel perd beaucoup de ses repères. Oui. Est-ce que ça veut dire que les philosophes devraient élargir leur notion du réel, la compléter ou la réformer? Nous sommes face à des anomalies, et je citerai un scientifique tout à fait contemporain, qui est un ingénieur du CNRS et qui fait beaucoup de conférences, et je suis d'accord avec ce qu'il dit lorsqu'il il déclare un scientifique qui ne s'empare pas des anomalies pour tenter de comprendre la réalité n'est pas un vrai scientifique. Nous sommes mis au défi par ces anomalies, et les anomalies, elles viennent pas seulement de l'intérieur de la science, sont pas seulement endogènes en quelque sorte à la physique théorique, elles nous viennent du monde vécu. Donc il y a, c'est-à-dire des gens qui sont, voyez-vous, comment expliquer cela bien, de façon bien compréhensible et intuitivement, c'est que vous pouvez avoir en face de vous des gens qui sont tout à fait sains d'esprit, qui sont bien équilibrés, qui sont compétents, qui ont une vraie formation, qui ne sont pas des tricheurs, qui ne sont pas des mythomanes, Kahn, et qui vous disent des choses absolument incroyables, parce qu'ils ont été témoins de phénomènes incroyables. Est-ce qu'on peut faire de la science avec des témoignages ? Alors, la question qui se pose, c'est que la science, évidemment, dispose d'une méthodologie très solide, qui est au fond inspirée des méthodes positives, n'est-ce pas, avec l'idée de la reproductibilité des expériences, de la prédictibilité des effets, de la réfutabilité des hypothèses, etc. Cette méthodologie qui a été mise au point depuis bien longtemps, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vers la fin du XXe siècle, et qui continue de se développer, mais qui n'est pas adaptée ou appropriée à la prise en compte sérieuse et honnête, dirais-je, de ces témoignages à la fois incroyables et irrécusables, parce que on a réfléchi sur un réel qui n'est pas, en quelque sorte, qui ne trouve pas sa source dans des expériences vécues parfois difficilement communicables. La ligne que vous essayez de parcourir dans votre livre est quand même une ligne de crête assez étroite. Je vous cite: cette déstabilisation est un défi pour la philosophie d'aujourd'hui. Alors c'est celle qui vient justement des nouvelles croyances. Non pour pointer la démocratie des crédules, travail déjà fait et bien fait, notamment par Gérald Bronner que j'ai reçu il y a quelque temps à ce micro, ni à l'inverse, pour accréditer des récits extravagants, mais pour redéployer par degrés et sur nouveaux frais une confiance dans le réel telle que l'esprit puisse s'ouvrir à l'impossible, entre guillemets. C'est une voie très étroite. Oui, il ne s'agit pas... Parce que vous ne voulez pas accréditer les récits qui semblent extravagants, mais en même temps, vous dites qu'il faut en tenir compte. Alors, comment en tenir compte si on ne les accrédite pas ? Il y a un beau concept qui nous vient, non pas des sciences dures, ou comme on dit parfois en Allemagne, sobres, mais des sciences herméneutiques ou des sciences humaines. C'est ce qu'on appelle la charité herméneutique. C'est un concept de méthode assez fort. On consiste à considérer que le texte auquel on a affaire, dans le domaine de l'herméneutique, n'est-ce pas, qui est un autre domaine, mais enfin on peut élargir la notion de texte, est un texte qui est bon, qui est parfait, même d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle l'anticipation de perfection. Et si on ne comprend pas, c'est pas de la faute du texte, c'est plutôt à nous d'essayer de reconstituer le sens. Alors, par extension, cette charité herméneutique, elle consiste à postuler, en quelque sorte, que les témoignages que l'on reçoit doivent être compris sans qu'on préjuge, n'est-ce pas, que celui qui est en face de vous est fou, délirant, ou qu'il a eu des hallucinations, des visions, que ça. Et on ne peut pas se débarrasser de certains témoignages, surtout quand ils sont avérés véritablement par d'autres éléments de preuve. On ne peut pas se contenter de ce mot carabistouille qui est censé être une marque des esprits forts, fort peut-être, mais pas assez pour regarder en face les anomalies et s'affronter véritablement au réel. Donc voilà la ligne de crête. Il ne s'agit pas de refuser d'accréditer les témoignages, dirais-je, entre guillemets, impossibles. Il ne s'agit pas non plus d'être crédule, mais il ne s'agit pas, dirais-je, de hausser tout simplement les épaules et de s'en détourner, parce que là c'est vraiment une faute. Encore une fois, il s'agit de provocations, d'objectifs, d'anomalies qui font que nous avons le devoir de nous demander par quelle méthodologie nous sera possible de faire accéder ce que j'appellerais des phénomènes avérés au statut de fait établi. Parce que c'est là le gap, le hiatus, n'est-ce pas ? C'est que, par hypothèse en tout cas, si l'on fait confiance à ma conviction, c'est qu'il s'agit dans certains cas de phénomènes avérés, mais qui n'accèdent pas au statut de fait établi parce qu'ils n'entrent pas dans la méthodologie des sciences positives qui ferait que l'on puisse parler de fait, puisqu'il n'y a pas de reproductibilité des expériences, il n'y a pas de prédictibilité des effets, etc. etc. Vous parlez vous-même dans votre livre du fait que nous assistons peut-être à ce que vous appelez une frénésie de sucrerie mentale. Alors c'est Gérald Bronner. Voilà, il y a des croyances qui nous font du bien, dont on aimerait qu'elles soient vraies. Oui. Et à l'égard de ces croyances, notre rapport critique est affaibli par le fait que nous aimerions que ces croyances soit parfaitement légitimé. Alors je renvoie à l'excellent travail de Gérald Brunner, qui avait beaucoup d'acuité, avec une approche, disons, de physio-sociologie en quelque sorte, a voulu rendre compte, démonter en même temps les mécanismes d'engendrement de la crédulité de masse face à toutes ces merveilles là dont je parle, n'est-ce pas ? On pourrait en faire l'énumération qui forme ensemble ce que l'on appelle aussi parfois une mythologie agglutinante. Alors certains dossiers sont complètement fantasmatiques et puis d'autres sont beaucoup plus sérieux. Mais peu importe ici, simplement donc Gérald Brunner, j'ai beaucoup apprécié son livre, et d'ailleurs je l'avais aussi pu, j'ai eu l'occasion et le plaisir de discuter déjà avec lui dans un autre cadre, mais c'est très bien de montrer comment dans un grand marché dérégulé aujourd'hui, il y a évidemment une prime est donnée à ce qui donne le plus de satisfaction plutôt qu'à la recherche de la vérité, n'est-ce pas ? Et donc c'est Gérald Brunner qui parle de sucrerie mentale. Le cerveau étant friand de glucides, n'est-ce pas ? Mais c'est-à-dire on cherche ces satisfactions qui nous font rêver, puisque nous sommes dans un contexte, comme on dit, d'individualisme où les gens se sentent seuls, isolés les uns des autres, la masse solitaire, le désenchantement du monde, etc. On a besoin un petit peu de réenchanter le monde, en tout cas dans certaines populations. C'est très bien de montrer comment s'engendre cette crédulité de masse, mais voyez-vous, autant que je sache, sauf erreur, pas une seule fois, Gérald Brunner ne pose la question du vrai et du faux. Et ça, c'est quand même aussi un problème dans la sociologie et dans l'ethnologie. C'est qu'on veut à tout prix, on veut refuser tout engagement et on fait uniquement la distanciation, c'est-à-dire uniquement l'objectivation. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner à cet égard, par exemple sur les soucoupes volantes ou sur les apparitions mariales, etc. Quand des sociologues ou des ethnologues se mettent là-dessus, ils formulent leurs études de telle sorte que il n'est même pas question de se demander s'il y a une réalité derrière ces phénomènes. Non, mais à ce micro même, il a expliqué toutes sortes de biais cognitifs qui nous trompent sur la perception que nous avons de certains phénomènes. Ok, mais ça ne suffit pas. Il faut pas se contenter de dire comment on peut se tromper, comment on peut s'illusionner. En tout cas, ces faits dont vous dites qu'ils sont établis, mais pas avérés. Pardon. Ces faits dont vous dites qu'ils sont avérés. Certains phénomènes sont avérés. Qui sont pas établis, ne sont pas pris en compte par la science. On peut pas les renvoyer à l'illusion. Voilà. Voilà. Mais vous parlez à plusieurs reprises dans votre livre de l'establishment scientifique. Est-ce que c'est le mot qui convient ? Est-ce que vous pensez vraiment que les scientifiques forment un establishment qui décide de ce qui mérite d'être étudié ou non ? Je pense qu'il y a de toute façon... un terme péjoratif. Quand je parle de l'establishment scientifique, c'est souvent du point de vue de ceux qui considèrent qu'ils ne peuvent pas poser toutes les questions et avoir toutes les réponses qu'ils aimeraient avoir. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la science est comme une entreprise dont la recherche est orientée par des commandes. Et ces commandes nous viennent, elles sont institutionnellement déterminées. Ce sont des commandes qui nous viennent par exemple, de l'économie ou de la médecine ou de l'armée ou de la politique. C'est quand même pas vrai pour toutes les disciplines. Par exemple, en cosmologie ou en physique des particules, il y a beaucoup de questions qui sont posées par la pratique même de la science. Et les scientifiques essaient de trouver les moyens de répondre aux questions que leur propre système formel invite à poser. Il n'y a pas de commande sociale sur la matière noire ou sur le boson de Higgs. Il y a, une recherche qui est organisée sur certains thèmes, avec certains objets. Je ne dis pas qu'elle soit entièrement contrainte, mais j'ai quand même été au CNRS un certain temps. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a avant tout la recherche aujourd'hui, elle fonctionne sur contrat. Et ces contrats, bien entendu, nous viennent de commanditaires. Et ce n'est pas exactement la même chose que la curiosité, le besoin de sens, comme on dit, de la société civile. ce n'est pas la même demande, voyez-vous. Ce qui peut se passer bientôt, c'est une prédiction que je fais, c'est que de plus en plus, il y aura cette demande, entre guillemets, métaphysique, émanant de la société civile, demande à la science, et dont les orientations pourront être davantage libres par rapport aux contrats, par rapport aux contraintes de l'entreprise scientifique. Bon, j'aurais quelques réserves à ce propos, mais par exemple, si on devait, en tant que scientifique, étudier les ovnis ou bien les objets artificiels non identifiés, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? À part récolter des témoignages. Comment est-ce qu'on pourrait scientifiquement aborder cette question de savoir d'où viennent, s'ils existent, hein, ce qui n'est sans doute pas avéré, des objets artificiels qui ne sont pas identifiés ? Parce que des objets naturels non identifiés, il en existe quelques-uns. Alors, d'abord, le phénomène, à mon avis, est avéré. Je pense que dans les... Il s'agit d'objets artificiels ? Oui, d'objets artificiels, oui. C'est pas des phénomènes, je sais pas, de plasma ou que sais-je, de ce genre naturel, ou plus ou moins météorologique, voyez-vous. Mais justement, comment est-ce qu'on peut savoir autrement que de façon scientifique s'ils sont naturels ou artificiels ? Bon, d'abord, il y a quand même, je me permets de vous renvoyer, mais c'est pas du tout un cas unique. C'est une petite anecdote qui est quand même intéressante parce qu'elle est toute récente, du moins en apparence. Ça a été publié par le New York Times il y a un mois de cela, et ça a été répercuté dans quelques rares, très très rares médias en France. C'est donc en septembre dernier, la NASA a reconnu qu'il y avait eu des documents qui, en 2014, avaient fuité. Elle a eu la candeur de dire que c'était une fuite qui n'était pas prévue ni voulue, où il y a des traces radar et des visuels, des vidéos, d'engins qui se déplacent d'un coup à quelques Mach 10 et qui, après ça, sont en stationnement au-dessus de l'océan, tout à fait silencieux, tandis qu'on enregistre en même temps les commentaires des aviateurs, des avions de chasse. Étant donné la nouvelle loi américaine sur la liberté de l'information, la NASA a été obligée de rendre des comptes. Donc c'est tout récent, en disant que c'est une fuite qu'elle n'avait pas prévue et qu'elle n'avait pas voulu, mais qu'il s'agit bien de vidéos tout à fait réelles, que les traces radar sont réelles. Voilà. À l'évidence, ce sont pas des phénomènes luminescents, ce sont bel et bien des objets, mais c'est pas le seul cas. Il y a énormément de cas qui sont, contrairement à ce que l'on croit ou ce que pense le grand public, il y a énormément de cas qui sont constatés de la même façon, avec du visuel, avec du matériel. Je ne dis pas que le phénomène soit élucidé. Parce que il y a des éléments matériels, mais il y a peut-être aussi des éléments beaucoup plus étranges en ce qui concerne la question OVNI. Simplement, dans l'état actuel des choses, et la France est un des pays qui soit le plus avancé, le pays qui le plus tôt a pris en charge en quelque sorte ces témoignages d'OVNI, en créant donc un organisme rattaché au CNES qui s'appelle le GEPAN, qui s'appelait le GEPAN, ça a changé de nom tout récemment, mais on se contente simplement de protocoles de gendarmerie, ou à peu près. Donc c'est pas ce qu'on appelle de véritables investigations scientifiques, surtout qu'on pourrait aussi aller sur le terrain. Il y a des traces quelquefois sur le terrain lui-même des atterrissages. Et puis il y a beaucoup, beaucoup d'autres témoignages, beaucoup plus troublants que simplement le fait de d'OVNI qui voyage. Simplement, voyez-vous, quand je dis ça, j'ai l'air d'en allumer, parce que le public n'est pas au courant de ces phénomènes, même si certaines autorités militaires, vous pourrez citer par exemple des déclarations d'un ancien ministre de la Défense canadien ou encore du président Medvedev de Russie, ou également le phénomène est reconnu officiellement dans certains États d'Amérique du Sud. Bon, c'est connu, le phénomène est avéré. Ça, je le soutiens, c'est pas le seul phénomène troublant qui soit avéré. Il y a aussi, dans un tout autre domaine, ce qu'on appelle les expériences dites, très mal dites d'ailleurs, aux frontières de la mort ou de mort imminente, etc., qui sont également très troublantes, mais dans un tout autre domaine, apparemment un tout autre domaine. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces expériences, sans doute avérées, ne nous disent rien de la mort ? Ah oui, en admettant même, parce que ça met en cause la réalité de la mort. Non, mais les gens en reviennent, donc par définition, oui. Ils sont pas morts. Oui. ils en reviennent, ils apportent des témoignages sur... Oui, si par mort on entend la néantité de la vie, c'est sûr que c'est, a priori, c'est une évidence tout à fait claire, c'est qu'ils ne sont pas morts, ou alors ils ont ressuscité. Mais, ou alors la mort n'existe pas. Donc je me place d'un point de vue parfaitement logique, n'est-ce pas ? Non, parce que tous ne reviennent pas de ce chemin. Donc ça veut dire que ceux qui en reviennent ne sont pas morts, et puis certains n'en reviennent pas, et c'est ceux-là qu'on déclare morts. Ah oui, mais c'est pas, ça ne veut pas dire du tout qu'ils soient, que leur conscience ait cessé d'exister. On n'en sait rien. Donc on ne peut se fonder que sur ceux qui sont revenus pour nous dire, par exemple, ce qui se passe dans la pièce d'à côté quand ils sont en électroencéphalogramme plat. Alors là, non seulement on a des témoignages qui sont à la fois, qui sont tout à fait incroyables, mais irrécusables, mais en plus de ça, d'autant plus irrécusables qu'on a des preuves matérielles de ce qui, puisqu'on peut, on peut tester, on peut contrôler ce qu'ils prétendent avoir vu dans la pièce d'à côté. Quand oui, mais on peut pas, je vois pas très bien comment les scientifiques pourraient s'intéresser avec un protocole qui relève justement de la science à ces situations qui sont très, très difficiles à interpréter, justement. Eh ben, le cas, le fait est que des scientifiques s'intéressent justement beaucoup, y compris des physiciens, à ces phénomènes. Et puis aussi, il y a une énorme littérature qui vient peut-être pas directement de la part de scientifiques, mais en tout cas de grands médecins. Aux États-Unis, il y a une énorme littérature sur ce phénomène des EFM et des EMI. Donc là, la science commence à s'emparer de cela. Alors si je vous parle, le dossier OVNI et le dossier EFM, EMI, MDE, on voudra comme on l'a appelé comme on voudra, c'est un des deux dossiers les plus consistants parmi ces merveilles dont je parle. Mais quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, on ne va pas se disputer sur la réalité ou non de ces phénomènes. Mais le fait est qu'ils déstabilisent notre sens du réel. Et qu'est-ce que je veux dire par là, il déstabilise notre précompréhension, ce qu'on appelle un peu dans le jargon notre précompréhension ontologique, c'est-à-dire notre conception spontanée de sens commun de ce qui est réel ou irréel, ou encore de ce qui est possible ou impossible. C'est-à-dire que le réel n'est pas connu d'avance. Oui, mais avant, on sait, puis on sait intuitivement qu'il y a des choses impossibles, voyez-vous, donc c'est d'une part du côté de des développements de la science physique, et d'autre part du côté de ces témoignages, à la fois incroyables et irrécusables, eh bien, notre socle ontologique, c'est-à-dire notre précompréhension la plus fondamentale de ce qui est possible et de ce qui n'est pas a priori, est déstabilisée. Et quand je dis le plus fondamental, c'est-à-dire en référence à la critique de la raison pure, et pour être plus précis dans l'analytique transcendantale, c'est-à-dire ce que le Kant appelle les principes de l'entendement, que je pourrais énumérer, n'est-ce pas, mais qui sont des évidences irréfragables. Voyez-vous, et c'est ça qui est mis en question. Je dis pas que ce soit faux, ces axiomes ou ces anticipations ou ces principes de l'entendement. Je dis pas qu'ils ont été falsifiés par les développements de la science ou par ces phénomènes qui font l'objet de témoignages tout à fait extraordinaires. Mais nous avons une tâche des deux côtés, c'est-à-dire parce que il y a deux défis, si vous voulez. Il y a un défi de la science à la philosophie, et vous en aviez d'ailleurs vous-même parlé dans votre un précédent livre, Matière à contredire, où vous parliez d'un treuil ontologique. D'ailleurs, l'image m'a bien plu, et en même temps qu'elle est assez rigolote. Et puis, un défi aussi du monde vécu, c'est-à-dire ces gens qui vivent des choses, qui quelquefois souffrent énormément de ne pas pouvoir en parler, y compris à leur famille, parce que personne ne les croit. Donc il y a des institutions même qui prennent en charge ces cas-là. Défi, disais-je, du monde vécu à la science. La science doit s'emparer de ces questions et doit repenser sa méthodologie. Il y a une chose qu'on sait d'avance, c'est qu'au bout d'une demi-heure d'émission, on passe un morceau de musique qui a été choisi par l'invité. Alors, quel est le morceau de musique, Jean-Marc Ferry, que vous avez choisi? J'aime beaucoup César Franck, dont on dit que c'est un compositeur belge. On a plus ou moins raison, parce que bon, il est né à Liège, mais à une époque où la Belgique n'existait pas, donc il était natif. Qu'il faut dire alors? Il faut dire qu'il est... C'est très, très idyllique. Royaume-Uni des Pays-Bas, mais ses parents sont franchement allemands. Sa mère vient de Aix-la-Chapelle, son père de Gemnich, qui est une ville frontière germano-hollandaise. Et puis, bon, ben, on peut dire qu'il est allemand parce que sa musique est très inspirée du romantisme, du second Beethoven, Brahms, de Wagner, etc. C'était très sensuel, très profond, très romantique, très allemand. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'école française. Il a dû prendre la nationalité française pour tenir l'orgue de Sainte-Clotilde. Et puis autour de lui gravitait Fauré, puis Debussy, sans parler de Chausson et d'autres, n'est-ce pas? C'est l'impressionnisme. Alors il y a ce côté romantisme allemand, impressionnisme français, et il y a un musicologue italien qui vient d'Amalfi, que j'aime beaucoup, il y a longtemps, il est venu pour s'installer à Bruxelles, il a créé un petit musée des musiques anciennes avec les instruments d'époque, Antonio Tirabassi il s'appelle, et il a expliqué très gentiment, avec beaucoup d'intelligence, que ma foi, puisqu'il était allemand et français, bah du coup il était belge, quoi. Alors ça c'est le meilleur argument, je trouve. Vous avez écouté la pièce héroïque donc de César Franck. Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Jean-Marc Ferry, vous avez donc choisi cette pièce héroïque de César Franck. Est-ce que vous voyez, ou plutôt est-ce que vous entendez un rapport entre cette musique et notre sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que le réel ? Il y a à la fois dans cette musique beaucoup de, comme je le disais, de sensualité et d'amour, et puis en même temps une sorte de vertige baroque. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'y a plus les repères, on est dans le mystère abyssal du cosmos. Et ça me fait penser tout de suite à une petite phrase de Max Planck, que je vous traduis comme ça spontanément, qui dit qu'il n'y a pas de matière, mais un réseau d'énergie auquel il est donné forme par un esprit, et que cet esprit est la Urgrund, donc la cause, si on veut, mais le fond originaire de toute matière. Et c'est ça l'énigme, en quelque sorte. Et on est avec cette musique, on est dans l'énigme du cosmos, pour moi. Alors, tout à l'heure, vous citiez La critique de la raison pure, donc le fameux livre de Kant. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de La critique de la raison pure qui a été trouvé par Jacques Perisalkov? Alors là, je dois avouer mon ignorance. La critique de la raison pure a pour anagramme paradis, onirique et cruel. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est un hasard malencontreux? Paradis onirique, c'est une sorte de pléonasme. Et cruel, est-ce qu'il y a quelque chose de cruel dans la critique de la raison pure? Peut-être pour certains qui auraient aimé succomber à ce que Kant appelait l'enthousiasme spéculatif, c'est-à-dire aller directement aux étoiles, n'est-ce pas, sans avoir avant cela... Il ne faut pas s'emballer. Limiter les, étudier les limites de la raison. Et le, l'anagramme de la peur de la mort, parce qu'on a parlé des Near Death Experiment tout à l'heure, l'anagramme de la peur de la mort, c'est tromper l'au-delà. Ça vous parle ? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. On pourrait, beaucoup épiloguer là-dessus. Mais je me sens tout petit à côté de vous sur la question des anagrammes. Alors écoutez, dans votre livre, il y a une phrase que vous citez de Hegel, qui m'a interrogé, disons. Hegel disait que vouloir rendre des ailes à notre lande physique qui progresse péniblement au pas des expérimentations. Il me semble que la physique, depuis Galilée, justement, elle va bien au-delà des expérimentations. Quand il dit que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, par exemple, à l'époque, il ne peut pas faire le vide. On ne sait pas s'il existe, et d'ailleurs... la plupart des doctes pensent que le vide n'existe pas. Et donc, il va penser au-delà des expérimentations en déployant des expériences dites de pensée qui permettent oui. De trouver par une sorte de stratagème intellectuel un moyen de faire en sorte que le monde empirique décoïncide avec ce qu'il nous montre. Oui. Alors, je ne pensais pas, en effet, au contre-exemple que représente Galilée. Je pensais beaucoup plus à la réponse satisfaisante pour Hegel qu'aurait donné Einstein à cette réclamation, n'est-ce pas ? Quand Einstein, notamment, dit enfin, plusieurs choses dans plusieurs domaines. Enfin, il y a d'une part cette idée que, bien sûr, les observations, les expérimentations, c'est important, mais que ce sont les mathématiques qui sont véritablement le principe créateur, en quelque sorte. Et il dit aussi que ce qui l'a vraiment inspiré, eh bien, c'est la musique classique. Et c'est ça qui peut-être même est à la source de ses intuitions, de ses fulgurances, dirais-je. Disons plutôt que la musique était le support de sa pensée, comme il le disait. Oui, mais elle l'aidait à penser. Il dit aussi que c'est vraiment sa, la source de ses inspirations, et ses inspirations proprement scientifiques. Et ce qui me fait songer, qu'il y a une, quand même une vérité dans, la, dans ce que vise Hegel à travers cette phrase, c'est un autre rapport au monde, pour découvrir vraiment des choses. Et donc, après ça, il développe sa philosophie de l'amour, mais c'est un concept philosophique, ça n'a rien d'affectif. Enfin, fort peu, c'est pas la question. Comme reconnaissance de soi dans l'autre, qui est une façon de, une forme d'ouverture tout à fait autre que celle de la relation instrumentale, qui est quand même dominante dans l'entreprise scientifique. Il me semble très important de distinguer entre les expériences qui sont des expériences test, et donc ça c'est la méthodologie des sciences pour contrôler en quelque sorte la vérité des hypothèses en forme de loi, par exemple. Donc l'observation, la mesure, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des expériences sources. Ce sont pas, c'est pas cela qui est à la source des fulgurances et des découvertes, à mon avis. C'est ça qui permet de contrôler leur validité, mais on s'est beaucoup intéressé au versant expérience test, c'est-à-dire le contrôle de validité, mais beaucoup moins, c'est ça que je trouve passionnant, et c'est pourquoi je cite cette petite phrase de Hegel, c'est à aux expériences sources. Elles sont beaucoup plus mystérieuses, beaucoup moins, entre guillemets, rationnelles, mais je mets beaucoup de guillemets à rationnelles, parce qu'à mon avis, la rationalité, la raison, c'est un concept beaucoup plus large que dans son acception positiviste. Non, pour aller dans votre sens, Einstein prédit en 1916 les ondes gravitationnelles qu'on a détectées un siècle plus tard, en 2015, pour la première fois. Oui. Ça veut dire que ces mathématiques dans lesquelles il trouvait, lui, le principe vraiment créateur, oui. ont très largement devancé les expériences qui ont permis de vérifier que ses idées étaient les bonnes. Oui. Et puis il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer en Belgique François Englert, prix Nobel de physique, qui en même temps que Peter Higgs et Robert Brout a prédit dès 1964 l'existence du boson de Higgs détecté en 2012 oui. à partir d'arguments purement mathématiques. Oui. Ça veut dire qu'on va quand même, par une sorte de questionnement interne au champ scientifique, au-delà de ce que l'expérience montre au moment où on élabore les grandes idées. Oui, alors il y a quand même aussi peut-être, en tout cas les anciens en étaient convaincus, une relation interne, un rapport interne entre les mathématiques pures et puis la musique. et donc l'esthétique. Et encore pour revenir à cette expérience source, je pense qu'il est très important de se concentrer là-dessus. C'est aussi une façon de réconcilier en quelque sorte la science avec ces témoignages impossibles qui nous viennent du monde vécu. Est-ce qu'il y a un rapport entre le réel, qui est la question que nous nous posons aujourd'hui, et la vérité ? Pour le moment, je suis purement dans la... Comment dirais-je, dans la, qu'est-ce que nous faisons quand nous disons quelque chose ? Quand nous disons simplement... quand nous affirmons quelque chose, donc évidemment nous prétendons à la vérité, mais en même temps que nous prétendons à la vérité, nous prétendons qu'il s'agit bien de la réalité. Vous dites, rien n'est d'ailleurs plus naturel que de définir la vérité comme une conformité à ce qui est, mais conformité de quoi ? Qu'est-ce qui serait de nature telle qu'on puisse le dire conforme à la réalité ? C'est ça la grande question finalement. Oui, mais c'est dans la proposition. Tout cela se tient dans le discours. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, quand on dit ceci est ceci. Tout simplement, on revient peut-être d'une certaine façon, ça a été toujours dit, c'était dit par Aristote, c'était dit par Platon, elle a une forme, tout notre savoir, en quelque sorte, qui prétend à la vérité, dans le mode assertif, assertorique, eh bien, c'est un savoir de type propositionnel. C'est-à-dire, est réel ce qui peut être présenté dans des énoncés vrais ? Alors là, c'est encore autre chose, parce que avant, on posait la question un peu différemment. On se posait plutôt la question de la vérité, en disant pour que une croyance ou une proposition soit vraie, il faut que ça corresponde bien à la réalité, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on renverse la proposition. En disant, donc on pose cette fois-ci non pas la question de la vérité, mais la question du réel, la question de la réalité, en disant que est réel ce qui peut être présenté dans des énoncés vrais, parce que c'est bien le sens de l'énoncé quand on prétend à la vérité. C'est ce qu'on appelle le tournant pragmatique. Qu'est-ce que je fais, n'est-ce pas, quand j'affirme quelque chose ? Qu'est-ce que je fais sinon de prétendre à la vérité ? Et comme je n'ai pas d'accès direct au réel, je ne l'ai que par la médiation de l'intelligence, de la conscience, de mes propositions, etc. Le seul élément qui puisse autoriser à présumer une certaine réalité, c'est le consensus toujours révisable que l'on peut former entre nous. Quelle différence vous faites entre connaissance et croyance ? Par exemple, il y a des choses que nous ne savons pas. Par exemple, je ne sais pas s'il existe un monde en dehors de mon esprit. En tout cas, je ne peux pas le savoir au sens d'une connaissance que je pourrais démontrer. Mais pourtant, je le sais bien. Je ne le sais pas, mais je le sais bien. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce n'est ni une croyance, parce que c'est pas optionnel. On peut pas, une croyance, ça peut disparaître, n'est-ce pas? C'est quelque chose, tandis que là, je n'ai pas, ça ne dépend pas de mon arbitre de croire que le monde extérieur existe, que vous-même, Étienne Klein, qui est en face de moi, existez, que moi-même, je suis en train de parler, que je suis un moi, donc autonome, etc. Ce n'est pas une croyance, parce que je ne peux pas faire autrement que de le penser. Et ce n'est pas non plus un savoir, parce que je n'ai aucune preuve, et je n'aurai jamais de preuve de l'existence ou de la réalité du monde extérieur. Donc comme, c'est pourquoi je dis, c'est un artifice de langage, je ne sais pas que le monde extérieur existe, mais je sais bien que le monde extérieur existe. Alors ça veut dire quoi ? Et c'est là que je pose la question, étant donné que ce n'est ni une croyance, ni un savoir, ça doit faire l'objet, quand on est philosophe, quand on veut pas laisser flotter quelque chose comme ça, sans avoir de statut, si je puis dire, eh bien, cela doit faire l'objet de postulations. Je postule la réalité du monde extérieur, je postule l'existence d'autrui, je postule l'effectivité d'un moi autonome capable de parler, de décider, etc., d'agir. Et tout fonctionne, en fait, sur des postulations qui sont plus ou moins contrefactuelles. Et c'est comme ça que nous sommes au monde, à mon avis. Et c'est aussi cela qui me permet, c'est un autre programme, d'envisager une réconciliation entre la raison critique et la foi. Mais la foi entendue non pas comme croyance, mais comme confiance dans le réel. Ce qui est aussi d'ailleurs l'objet de ce livre. livre, parce que je n'en reste pas aux merveilles, et c'est pas du tout, c'est un la point foi, de départ. La confiance dans le réel. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez, disons, expliciter ? Encore Max Planck, si vous permettez. C'est une petite phrase aussi dans sa conférence qu'il avait faite en 1944 à Florence sur Das Wesen der Materie, sur l'essence. Il est allé à Florence pendant la guerre ? Oui, il était à Florence. L'essence de la matière, ça s'appelle. Et voilà ce qu'il dit après avoir, je crois que c'est à la suite de cette conférence plus exactement, où il pense au cosmos, à cette force qui tient ensemble ces minuscules systèmes solaires de l'univers, donc les atomes, comme il le dit lui-même, et puis avec cette présupposition d'une conscience qui est derrière tout cela. Et donc il dit, comme en conclusion, pour un être humain contemplatif, il n'y a que deux sortes d'attitudes entre lesquelles il doit choisir, ou bien l'angoisse. Et la résistance feindselig, ça veut dire hostile au fond, ou bien angoisse et résistance hostile, ou bien le respect. Et là, c'est presque intraduisible, Vertrauensvolle Hingabe, c'est là, en fait, je dirais l'abandon confiant, l'adhésion confiante. Et c'est ça le choix, parce que la résistance hostile, c'est pas tellement... Il y a des options comme ça dans la philosophie, une valeur heuristique, n'est-ce pas, de la peur, de l'angoisse, par exemple chez Hans Jonas. Mais je choisis, moi, la confiance dans le réel. C'est l'alternative que nous donne Max Planck devant mais ce mystère. Ça, c'est une position métaphysique. Oui, qu'elle doit quelque chose au fait qu'il a été un très grand physicien et... Max Planck explique que c'est là qu'il a été conduit, logiquement. Et donc, ce qu'il explique en gros, n'est-ce pas, c'est qu'il a étudié toute sa vie la matière, qu'il en est arrivé à la conclusion que la matière en soi n'existe pas, qu'il doit, force, dit-il, est d'admettre qu'il y a une force qui tient ensemble tout cet univers, que cette force nous renvoie aussi à l'idée d'un esprit. Donc là, il y a une argumentation, comme l'esprit en soi non plus n'existe pas, mais seulement dans un être. On doit supposer un être spirituel, mais comme il n'est pas une génération spontanée, on doit présupposer encore un créateur. Je suis désolé, semble-t-il dire. Je n'ai pas peur, en tout cas, de l'appeler, ce créateur mystérieux, du nom dont on l'a appelé depuis toujours chez les différentes cultures et peuples des siècles passés, c'est-à-dire Dieu. Et il dit, mais là ma tâche, ma recherche touche à sa fin, il dit. Et je dois remettre la recherche dans les mains de la philosophie. Donc c'est un peu naïf parce que la philosophie n'est pas plus compétente, à mon avis, pour cette recherche, n'est-ce pas ? Mais c'est là qu'il est... selon lui, selon ses dires, logiquement conduit par ses investigations dans le domaine le plus sobre qui soit, qui est l'étude de la matière. Mais est-ce que vous pensez, Jean-Marc Ferry, que les métaphysiciens, et je crois que vous qualifiez vous-même de métaphysiciens, doivent tenir compte des découvertes des physiciens ? Oui. Maintenant, j'en suis convaincu. Bien sûr, on aurait pu penser que tout pouvait se faire a priori, c'est-à-dire à partir d'une question que Kant appelle au fond la conscience d'impossibilité, c'est-à-dire c'est le fil directeur de ce que l'on appelle la réflexion transcendantale, c'est la méthode en quelque sorte cardinale de la philosophie, c'est arrivé à son apogée, n'est-ce pas, on avance sur le fil de la nécessité de penser, voyez-vous, qu'est-ce qui est impensable, et donc ce qui est impensable est impossible, et donc on va déduire les conditions de possibilité à partir de ce qui est impensable, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, donc, nous sommes devant ce scandale qui nous vient notamment du développement de la physique théorique et selon lequel, n'est-ce pas, il y a de l'impensable qui est possible. Je voudrais qu'on termine, Jean-Marc Ferry, avec la question de la vérité. Est-ce que la vérité, ça existe ? Comment la définir ? Ce qui est vrai, est-ce que c'est ce qui a résisté à tous les doutes ? Ou bien est-ce que c'est ce dont on ne peut pas imaginer de douter ? Est-ce que la vérité plane au-dessus du monde ? Est-ce qu'elle est déposée dans les choses ou dans les faits ? Et est-ce qu'on peut faire confiance à la science pour aller y chercher ? La vérité, c'est pas un contenu, c'est pas quelque chose. C'est une idée. C'est ce qui est impliqué dès lors que vous élevez le premier mot, première phrase. La première phrase, dès lors que vous dites ceci et ceci, etc. Donc moi, je me place uniquement du point de vue du sens. Je ne suis pas à l'extérieur, donc si vous préférez, c'est pas le point de vue d'une troisième personne qui serait à l'extérieur, je me place du point de vue de la première personne, c'est-à-dire celui qui est engagé dans ce qu'il fait. À partir du moment où je dis la vérité n'existe pas, je présuppose que ma phrase est vraie et donc je présuppose la vérité. Donc la vérité, elle est incontournable en ce sens, n'est-ce pas? Et je peux même pas mettre en cause sa réalité en disant que ce n'est qu'une idée, parce que... Mais la vérité, dire la vérité n'existe pas, c'est une phrase autoréférente qui se contredit elle-même. Parce oui, que... alors on fait l'expérience de ce que l'on appelle en philosophie contemporaine la contradiction pragmatique ou la contradiction performative, et cette expérience de la contradiction pragmatique ou performative nous met face à une sorte de socle de vérité incontournable. C'est-à-dire ces vérités que l'on ne peut pas réfuter ou qu'on ne peut pas entreprendre de réfuter, ni dont on ne peut pas douter sans devoir en même temps les présupposer. Et donc là, voyez-vous, il y a toute une tâche pour une philosophie ou le renouvellement en quelque sorte d'une philosophie transcendantale, c'est de faire l'inventaire de toutes ces présuppositions tout à fait incontournables, c'est-à-dire ces présuppositions sans lesquelles vous perdez le sens. Karl Popper, que vous citez, parlait de société ouverte. Qu'est-ce qu'il entendait par cette expression et est-ce que c'est ce à quoi vous invitez par votre livre, oui, Jean-Marc Ferry? La société ouverte, c'est une société qui permet de tout mettre en question, de tout discuter. Il ne s'agit pas de tout critiquer pour critiquer, mais rien n'est interdit, rien n'est tabou. Donc pour Popper, une vraie société libérale démocratique, si je puis dire, c'est une société pour laquelle il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de censure. Tout peut faire l'objet d'un doute, tout peut faire principalement l'objet d'un doute, donc tout peut faire l'objet d'une critique et d'être discuté pour savoir si c'est vrai ou non. Et même les consensus bien établis, ce qu'on appelle les vérités sanctionnées, doivent aussi pouvoir être remis en cause. Donc si, en quelque sorte, la vérité, c'est quelque chose qui est en perpétuel procès et en éventuel devenir, c'est un index, n'est-ce pas, qui n'a pas de contenu, mais qui est seulement ce qui donne sens à la pratique de la discussion coopérative quand elle est orientée vers qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui, etc. Mais sans tomber dans une forme de relativisme absolu, alors. Il n'y a aucun relativisme là-dedans, absolument pas. Est-ce que vous êtes d'accord, alors, pour dire avec Bertrand Russell ceci: le concept de vérité, compris comme dépendant de faits qui dépassent largement le contrôle humain, a été l'une des voies par lesquelles la philosophie a jusqu'ici inculqué la dose nécessaire d'humilité. Est-ce que ça vous va? Oui, j'aurais du mal à... Il faudrait que j'étudie un petit peu la phrase de plus près, n'est-ce pas, pour vous répondre. Non, mais ça veut dire qu'il y a des choses vraies, disons... à propos desquelles nos opinions personnelles ne comptent guère. Je ne vois rien d'autre que ce qui fait l'objet des contradictions performatives. C'est-à-dire ce dont on ne peut douter sans devoir en même temps le présupposer. Par exemple, la réalité de l'esprit, c'est quelque chose dont on ne peut pas douter sans devoir en même temps présupposer. Ou la vérité, ou la liberté humaine, voilà. Ce sont des socles, en quelque sorte. Et là, évidemment, ça fait... une certaine autorité. Donc quand il y a des gens, même s'il y a un consensus là-dessus, un consensus empirique, par exemple un consensus sceptique ou postmoderne ou ce que vous voudrez, qui dit la vérité n'existe pas, il n'y a pas de vérité, regardez depuis Nietzsche, ou encore cet idéal donc irréel en Nietzsche encore, voyez-vous, on a beau former des consensus là-dessus, ça se heurte à la contradiction performative. Donc en ce sens, voyez-vous, c'est ma limite à l'esprit démocratique, si l'on peut dire, il y a des présupposés qui sont absolument incontournables et qui sont des vérités d'autorité, en quelque sorte, mais d'autorité parfaitement raisonnable. Donc la vérité n'est pas relative, bien que ce soit son anagramme. Ah, c'est son anagramme. Ça oui. Sera le mot de la fin. Merci Jean-Marc Ferry, je recommande la lecture de votre livre. Qu'est-ce que le réel, qui vient de paraître aux éditions Le Bordolo. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Bernard Laniel et à la réalisation Delphine Lemaire. tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, nous retrouverons Christophe Honaudibio pour le temps des écrivains.